c'est-à-dire la fitna qu'il y a, que le fait que le gouvernant n'applique pas, par exemple, tout l'islam, c'est vrai que les certains criminels profitent de ça, mais tous les criminels ne profitent pas. Mais quand il y a la fitna qui arrive, tous les criminels profitent. Et tous ceux qui veulent voler, peuvent voler. Tous ceux qui veulent violer, violent, etc., etc. Et ça, c'est la grande fitna. C'est pour ça que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a rapporté les paroles de certains savants. Il disait, 10 ans sous un gouvernement injuste est mieux que une nuit sans gouvernant. Je disais donc, cela montre que Cheikh Al-Uthaymeen connaît bien ces hadiths et les applique bien. De la même façon, nous allons donner notre exemple, Cheikh Ben Baz, comme m'a rapporté certains de ses élèves, certains individus sont venus, lui ont dit, pourquoi ne parlez-vous pas aux savants? Alors qu'a-t-il dit? Il a dit, Wallahi laqad na'asahnahum, wa kawnahum lam yastajibu, hada la ya'ni annana nuhayyiju l'amma alayhim. Et celui qui regarde bien cette parole, il voit qu'elle est exactement superposable et coïncide exactement avec la parole de Cheikh Al-Uthaymeen et la parole de Oussama ibn Zayd et à la parole de l'imam Ahmed et d'autres savants. Alhamdulillah, ça pour montrer que l'individu il doit savoir que le savant protège les frontières, les limites de Dieu mieux que les autres individus. C'est pour ça que Ibn Abdelbar il a dit il n'y a qu'un binafs sultan al-sabr wa al-du'a fa innan kanu yunhawna an sabb al-umara. C'est-à-dire s'il ne peut pas conseiller les savants, alors qu'il invoque Dieu pour lui, qu'il arrange ce gouvernant, et qu'il patiente et salaf interdisé d'insulter les gouvernants. D'autre part, Dieu dit, إنما يخشى الله من عباده العلماء, c'est-à-dire ceux qui craignent plus, ceux qui craignent vraiment Dieu, ce sont les savants. Donc, ce sont eux qui sont le plus gênés, ce sont eux qui s'alertent le premier quand les interdits de Dieu sont piétinés. Et le fait qu'on n'entend pas, qu'on ne les entend pas parler de certaines choses, ça veut dire que ce n'est pas raisonnable d'en parler, devant les gens, parce que ça va amener d'autres gens à piétiner les interdits. Et donc, pour limiter les contrevenances à la religion, les contrevenances aux interdits de Dieu, aux commandements de Dieu, les savants se taisent des fois, c'est-à-dire quand ils disent se taisent, c'est-à-dire en public. Mais ça n'interdit pas qu'en secret ils conseillent et ils parlent. Et tout cela nous amène à réaffirmer que le musulman doit toujours avoir de bons doutes vis-à-vis de ses savants. Et s'il a de mauvais doutes vis-à-vis de ses savants, alors en vérité il coupe le lien qu'il y a entre lui et le Kitab al-Sunna et la bonne compréhension du Coran et de la Sunna, comme on a dit. والحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسجيك لذلك خطي مثلا إن شاء الله في قضاء رسالي المزلمة. Nous allons commencer par citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith rapporté par l'Irbad ibn Sariya, le Sunan Tirmidhi ou Abi Dawud, le Sunan al-Sahih. Qala l'Irbad ibn Sariya, radiyallahu anhu, wa'adana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa'idatan, wa'adilat minha qulub, wa'adarafat minha al-uyun. Wa'adna ya Rasulullah, ka'annaha maw'idatun yaddi' تعوصينا. فقال أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي